corto. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à l'accroche-oreille, heureux de vous retrouver à l'antenne de CKRL, la radio qui aime les sonorités improbables ou bien merveilleuses et qu'on s'intonise au 89.1 sur les ondes et à ckrl.qc.ca sur la toile, sur le web. L'accroche-oreille, une émission qui se passionne pour les arts sonores, les musiques inclassables et pour les artistes et aussi évidemment qui s'y adonnent avec beaucoup d'intelligence. Ce soir, je vous propose un entretien avec Bernard Falaise, compositeur, improvisateur qui explore depuis de nombreuses années le potentiel sonore de la guitare électrique. Explorer le potentiel de la guitare électrique, il le fait avec en utilisant des instrumentations particulières, en insérant des objets dans sa guitare. Guitare préparée, comme le dit Falaise, c'est prolonger, exploiter, transformer, détourner les sonorités habituelles de l'instrument à partir d'instrumentation électronique, bien sûr. On connaît tous les effets de pédales, mais aussi en insérant, comme je disais, entre les cordes ou bien en jouant sur les cordes avec des objets de toute nature, ustensiles de cuisine, archets patentés, en somme, tout ce qui favorise, selon Bernard Falaise, l'émergence, et ça c'est vraiment intéressant, l'émergence de l'accident sonore, l'inattendu, susceptible d'ouvrir ici maintenant une piste de création, une idée de composition, la source, de dire Bernard, de toute démarche d'improvisation. C'est tout de même une belle définition. Il va sans dire que Bernard Falaise est un créateur important de la scène québécoise des arts sonores et des musiques nouvelles du Québec, en plus d'avoir réalisé plusieurs projets solo, dont ce tout dernier album intitulé Go Solo, dont on va parler ce soir. Bernard joue de la guitare et improvise au sein de nombreuses formations. J'en nomme quelques-unes, Klaxon Gueule, Quartetski, l'ensemble Super Musique. Il a aussi œuvré auprès de nombreux artistes tels Tania Tagac, Jean de Rome, Martin Tétrault, Dekim, Jean-François Laporte, j'en passe de très nombreux, plusieurs. J'ai rencontré Bernard Falaise il y a quelques semaines à Montréal, suite à la sortie de son dernier album, toile de fond d'une conversation fort sympathique sur les tenants et les aboutissants de la création sonore et musicale aujourd'hui, actuelle. Parole donc à l'artiste Bernard Falaise, entouré de quelques-unes de ses nombreuses créations à la guitare électrique préparée. Alors, parole à Bernard Falaise. Thank you.

Alors voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste sonore, compositeur et improvisateur Bernard Falaise. Restez des nôtres, on est de retour après un bref battement promo pour la suite de cette rencontre avec Bernard Falaise. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour. C'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL, le 89.1 à Québec et CKRL.qc.ca sur le web. Alors comme il était mentionné dans la promo, c'est le Radioton de CKRL les 27, 28 et 29 mai prochains. Alors on sollicite évidemment votre participation. C'est un très beau moment pour adhérer comme membre à cette belle radio communautaire qui rayonne sur Québec depuis de nombreuses années. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer dans quelques jours. Alors voilà, je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions précédentes qui sont archivées pour la plupart. Au programme de ce soir, un entretien avec Bernard Falaise, guitariste, compositeur et performeur dont le travail se distingue particulièrement par l'usage, l'exploration, je devrais dire, qu'il fait habilement de la guitare électrique préparée. Gagnant d'un prix Opus il y a quelques années, Bernard Falaise a réalisé plusieurs albums solo et contribué à l'univers musical d'une multitude d'ensembles à titre de compositeur ou bien d'instrumentiste. Allergique, dit-on, aux étiquettes, Bernard Falaise explore avec le même entrain le rock acidulé, le tango industriel ou la valse sérielle en utilisant aussi bien l'écriture traditionnelle que la technologie numérique. Il a réalisé près de 30 bandes sonores pour le théâtre, la danse, le cinéma et la télévision. Et oui, il a composé des pièces pour de nombreux ensembles de musique de chambre et il travaille aussi fréquemment comme arrangeur, mixeur, réalisateur, directeur musical et accompagnateur. Il a tous les talents d'un grand chef, je dirais. Bernard lançait en février dernier un album intitulé « Go Solo », une synthèse raisonnée d'improvisation dont il nous parle ce soir avec beaucoup d'enthousiasme. Alors voilà, allons-y pour la suite de mon entretien avec Bernard Falaise.